C'est une journée spéciale, vous écoutez sans pleurer sans reproche sur Galaxy Radio. Et ce sera une émission spéciale aussi, puisqu'on a, on est bien chargé en invités. Vous allez avoir en premier volet les frangins de Deliritas. Et ensuite, il y aura Crick B. Crick B, c'est Dominique Lallemand, que vous connaissez sûrement, avec Benoît Buise, que vous connaissez tout autant. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on a commencé cette émission, puisque leur album War Drums Resonance est notre sélection de la semaine. On en reparle tout à l'heure, ce sont les intéressés, Crick B, qui vont en parler le mieux. Et on retrouve la sélection d'il y a 15 jours, c'était le Paradoxical Sleep, le dernier album de The Ultimate Dreamers. Et je vais passer le morceau Envolé. C'est un titre que j'aime vraiment beaucoup. Et je dois l'avouer, je me surprends à avoir besoin de réécouter cet album de temps en temps pour passer un moment agréable. Ça sort sur la branche Spin Plus de Alpha Matrix. Décidément, The Ultimate Dreamers a un charme musical qui me plaît bien dans ce genre. Juste après, ce sera De Crétois, Preemptive Strike 01. On terminera avec de la musique de l'Est. Vendons. premier dans cette séquence, c'était The Ultimate Dreamers avec le morceau Envolé. Très très beau morceau, extrait du LP Paradoxical Sleep. Ça sort chez Spin Plus Alpha Matrix. Juste après, un groupe crétois fondé en 2002. On le passe pas souvent, mais c'est même difficile à dire. Ça s'appelle Preemptive Strike Zero One. On vient de s'écouter le morceau Pause in Chaos, Stop the Madness, remixé par le suédois de Run Level Zero. Et ça sort chez Infected Recordings. Et on a terminé cette séquence avec un groupe qui nous a été présenté par Juliette Berlin. Et franchement, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on passe des groupes laitons. Et donc, grâce à un post de Juliette sur Facebook, que je remercie d'ailleurs pour cette découverte, j'ai pu écouter l'album 1991-1994 de Usoka. Ça apparaît sur un label laiton qui s'appelle Underbed Storage. On s'est écouté le morceau God Money. Il est maintenant temps de retrouver nos premiers invités qui sont en face de moi. Je les ai vus il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ils étaient bien déchaînés. Là. Ils sont tout calmes là, dans les studios. Je ne sais pas si ça va durer. Mais on reçoit les deux frangins de Deliritas. Salut les gars. Salut. Salut. Salut Galaxy. Bah, content de vous voir ici dans les studios après votre très belle, très bonne prestation de samedi à Saint-Nicolas de Casino. Je vous l'ai dit, j'étais le premier surpris de votre punch sur scène. C'était vraiment très très bon. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, vous? Que dire. Écoute, je vais un peu répéter ce qu'on a dit dans notre message de remerciement. C'était incroyable. L'équipe organisationnelle était incroyable, professionnelle, chaleureuse, aux petits oignons. On a été reçus merveilleusement bien. Et alors le public, un public de fou. Quelle énergie, quel bonheur. Vraiment une nouvelle étape dans notre projet, vraiment. Bah, l'énergie du public, c'est l'effet miroir, hein. C'est vous qui l'a donné, hein. c'est le public qui la reçoit. Donc, c'est un match de ping-pong avec le public, et on donne de l'énergie, on en reçoit, et finalement c'est un effet pyramidal. Donc on prend un grand plaisir à monter sur scène, enfin particulièrement moi. Ton frère, c'est après. Oui. Un peu pendant, mais pas du tout avant. Mais pendant et après, oui. Alors, vous êtes un groupe de Liège. On embrasse notre ami Jean-Luc Marchal, d'ailleurs. Oui. Vous êtes un frangin qui bosse sous le nom de Deliritas depuis combien de temps? Eh bien, écoute, ça tombe bien parce qu'on avait fait un petit concours pour faire gagner des places pour notre prochain concert avec Larva. Et notre premier concert date de 2017. Donc, je dirais qu'on a vraiment commencé à bosser juste tous les deux et à composer tous les deux 2015-2016, donc bientôt 10 ans de collaboration avec mon petit frère. En duo du moins, on joue déjà ensemble avant, mais c'est vrai que le duo Deliritas, c'est une petite dizaine d'années maintenant. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Deliritas? Fou furieux. En quelle langue? En latin. Ah ouais, dis donc, on se cultive en plus. Samedi, hein. Fou furieux, c'est un peu l'image qu'on renvoie sur scène. Ça, peut-être que sur les versions album, ça ne transpire pas toujours la folie, mais sur scène, on essaye vraiment d'envoyer une énergie qui, a priori, est communicative avec le public. Quoi. Bah, la folie, vous en inspirez aussi par les films? Oui, tout à fait. Votre musique est assez cinématographique, c'est dur à dire en plus. Oui, et ça me fait super plaisir ce que tu dis, parce que, en tout cas, moi, quand j'essaie de composer, je un grand fan de cinéma, dans plein de styles de cinéma différents, et que ce soit à travers les ambiances des films que je regarde ou la musique, c'est vraiment une source d'inspiration, donc ça me fait plaisir, ça veut dire que ça se ressent, j'essaie de composer mes morceaux parfois en trois actes, un peu comme les films, donc super bien vu, ça me fait méga plaisir. C'est le ressenti que vous présentez ici au public. Vous avez sorti pas mal de singles. Oui. Un album, oui. Deux albums. On a fait deux albums, on bosse sur le troisième là, mais on a fait pas mal de remix aussi. Beaucoup pour Ethan Fox qui nous relance régulièrement, et un tout grand merci à lui. Donc on prend un peu chaque opportunité parce que c'est toujours un bon exercice de composer, de réécrire, de réinterpréter les morceaux qu'on reçoit, puis aussi simplement d'exprimer un truc qu'on a en tête, une mélodie qu'on fredonne, ou même un truc qu'on a sur le cœur. La musique reste, en tout cas pour moi et je pense pour le frangin avec la batterie aussi, un exutoire. Et ça fait plaisir de pouvoir partager cet exutoire, cette espèce de journal intime sonore avec le public, qui est une réception, qui est vraiment une réception. Oui, parce que toi, Al, tu composes, on va dire, la majorité des morceaux, ou vous faites ça en duo Ou toi, Sam, tu viens avec ta batterie et tu claques des trucs dessus? On a déjà essayé pas mal de techniques. Je pense qu'on n'est pas encore vraiment sur un 50-50 au niveau composition instrumentale. Mon frère est quand même quelqu'un de, comment dire, de très inspiré et qui a aussi beaucoup de choses à exprimer à travers les compositions. C'est vrai que moi, de base, la batterie, c'était, comme tu le disais, frère, un exutoire, une manière de base de faire du sport. Mmh. Et puis, ben, voilà, allier l'utile à l'agréable. Mais c'est vrai qu'au niveau composition, je pense que mon frère a quand même la part belle, en plus du travail qu'il fait sur le côté au niveau réseaux sociaux. Mmh. Mon frère a pas une très grosse partie du travail. Moi, j'abats ça sur scène. Voilà. Alors, je dirais qu'il est un peu modeste, parce qu'il y a quand même, entre autres, des morceaux qui ont été vraiment composés à quatre mains, où on se tape tous les deux devant le synthé. Et on essaie de sortir les choses ensemble. C'est vrai qu'il y a des morceaux que j'ai composés seul, mais il n'y a aucun morceau qui n'est validé sans l'aval de mon frère. Il n'y a rien que je sors sans l'avoir fait écouter avant, d'avoir eu son avis, peut-être un peu de retravail dessus. Et puis il y a quelques morceaux qui sont entièrement de son fait aussi. Donc on n'a pas un rôle vraiment en termes de composition qui est arrêté. La seule chose qui est arrêtée, c'est que sur scène, c'est lui à la batterie et moi au synthé, parce que l'inverse, ce serait pas pareil. Je demande à voir, tiens. En parlant de batterie, c'est une vraie batterie, hein, t'es un vrai batteur. Je suis un vrai batteur, batteur assis, je pourrais dire. Ouais, c'est vrai. Percussionniste ou de batteur debout sur la scène EBM, qui joue, que ce soit sur des pads, des multipads. Moi, voilà, moi je viens de la scène métal, donc pour moi la batterie c'est assis entouré de cymbales. Et t'en as une nouvelle, c'est une nouvelle là. Alors c'est vrai que là, ça fait quoi? Ça fait deux ou trois concerts que je la sors, celle-là. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, ça fait trois ans que je l'ai. Oui, tout à fait, oui. Voilà, j'ai pas mal bossé dessus avant de me dire, ok, je vous propose un set correct avec. On pourrait dire qu'une batterie en vaut une autre, mais en l'occurrence ici, ouais, non, elle est un petit peu plus imposante que la précédente. J'ai dû m'y refaire. Et étant donné qu'elle est beaucoup plus moderne, puisqu'elle a presque 20 ans de différence d'âge avec la première que j'utilisais déjà dans Anamorphosis à l'époque, je peux sampler des sons extérieurs, même les composer sur notre programme de musique, et puis les faire sortir, oui. Les utiliser sur la batterie. Donc j'ai vraiment un large choix de sons. Vraiment, ça a été un long travail. C'est vrai que tu évoques le fait que tu viens du métal, mais en fait ta batterie elle est électro, hein, électronique, hein, ouais. Ouais, c'est une Roland, c'est une TD-27, hein, pour ceux qui sont dans la batterie. J'espère que tu ne devras pas payer des... Non, ça va. Je dois dire trois autres marques. Non, c'est eux qui vont nous payer, tu vas voir. Ouais, donc non, c'est une Roland TD-27. C'est très très très complet comme instrument. Déjà, ma première batterie était une semi-pro. Ici, je pense qu'on est vraiment vraiment dans du matériel tip-top, qui a été entre autres financé par le groupe. Donc ça, c'est aussi, c'est aussi vachement intéressant. Bien sûr. Ouais, non, c'est une grosse machine, très impressionnante pour certains autres percussionnistes de la scène. C'est un très bon instrument. Là, Al, tu m'avais envoyé une paire de morceaux, 5, si je me trompe. Oui, pas. Oui, tout à fait. Des nouveaux qui vont paraître sur le dernier album, enfin le prochain album. Alors oui, tout à fait. Là, en fait, donc on a eu la chance de rejoindre un label collectif d'artistes qui s'appelle Steampunk Alien Records. Et on avait un peu une demande de sortir quelque chose, donc on a sorti un premier, on va dire, demi-album en pur digital avec 5 morceaux. Tous les albums se vendent à 5 euros sur ce collectif. Et dans mon idée, dans mes projets, c'est de sortir 5 autres morceaux qui seront la deuxième partie de l'album. Et là, alors, on sortira vraiment un album physique avec 10 morceaux et probablement quelques copains qui viendront faire des remixes. Ça, c'est dans les projets futurs, mais c'est dans les mois à venir, donc ça avance tout doucement. Mais oui, 5 nouveaux morceaux qui ont encore une autre approche par rapport aux albums précédents. Ouais, tu m'as envoyé Do Robots Need Heartbeat, c'est Benoît qui chante dessus? Ou c'était la version live peut-être ou... Non, parce que là j'avais voulu utiliser des programmes de synthétiseurs vocaux. Donc dans lesquels j'introduisais des phrases que je trouvais un petit peu symboliques, un petit peu percutantes, et simplement j'ai été retravaillé le son après obtenu avec ce synthétiseur vocal en mettant des effets et tout ça. Donc vraiment on est sur de la machine pure et dure. J'avais envie de donner des voix à des machines. Bah, tu parles de machines, mais j'allais évoquer la marche des machines aussi que tu m'as envoyé. Oui, oui, oui, oui. Ça parle de quoi ? Je me suis fait pour c'est ça qu'on peut. Je me suis un peu créé une histoire. Enfin, c'est de la science-fiction classique avec cette dualité entre l'homme et la machine, qui je trouve qui est plutôt contemporaine avec l'émergence de l'intelligence artificielle beaucoup de domaines, que ce soit la vidéo, la recherche, la musique aussi. Évidemment que je suis allé voir un petit peu ce qu'une intelligence artificielle pouvait composer si on lui demandait de faire quelque chose en électro-adus. Alors, c'est très bateau ce qu'elle compose, mais c'est la première génération d'intelligence artificielle, donc c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Et donc, abreuvé de science-fiction depuis mon enfance, je m'imagine un peu toute cette histoire de dialogue et de révolution entre l'homme et la machine, de compromis peut-être un jour qu'on devra faire avec ces machines. Elles vont faire partie de nos vies, elles le font déjà. Donc c'est sûr que les futurs compositeurs, vous êtes peut-être une génération qui va peut-être pas beaucoup l'utiliser, mais les jeunes de 18-20 ans, là ça y est. Oui, tout à fait. Donc voilà, la marche des machines, c'est dans l'idée d'une marche de machines conscientes qui sont là pour essayer d'obtenir leur libre arbitre, de manifester pour le droit d'exister. Enfin, mes influences cinématographiques, comme toujours. Et il y a Lost in a Clock World, il y a Firewall et War. Oui. Ah oui, c'est dans ma tête, hein, parce que je ne dis pas que ça s'entend, mais dans ma tête, il y a tout un schéma narratif là derrière. Enfin, c'est mon plaisir de composer. Quand j'écris un morceau, j'écris une histoire qui est dans ma tête, j'essaye de mettre en son l'histoire qui est dans ma tête. Je suis un rôliste à côté de ça, donc les histoires et la musique font partie de mon quotidien, et puis j'essaye de transmettre ça. Bah écoute, écoutez-moi, je vous ai vraiment apprécié samedi sur scène. Je m'attendais pas aussi bien. Je te l'ai dit. Encore une fois, je fais pas de la lèche. Hein, la musique instrumentale, tout ça, c'est un petit peu difficile pour moi. Mais grâce à vous, franchement, c'était un super show. Merci. Sam t'a assuré comme une bête, tout comme ton frère. Vous avancez à votre style avec une bouteille à la main. C'est le côté French Ave que j'aime beaucoup. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Enfin, on était sur du whisky au miel. Ça nous a permis d'ouvrir nos chakras avant de monter sur scène. C'est pour faire la voix, mais non, là, c'était pas... Non. Ça m'a permis de faire quelques pas de danse devant le public en front stage pendant l'intro. Ouais. Quelque chose qui, je t'avoue, a été décidé 4 minutes avant de monter sur scène. Et la bouteille d'alcool a été décidée la veille. Hein, oui, tout à fait, en en buvant un, en fait. Hein. Exactement, c'est du l'apéro traditionnel fraternel de pré-concert. Oui, parce que Delirita, c'est un projet entre frères, mais on est voisins, mon frère et moi, donc c'est vraiment... Il n'y a même pas un jardin qui nous sépare. Donc, voilà, c'est ça, il y a un mur. Il y a un mur, oui, c'est ça. On préfère abattre. Hein. Et là, vous jouez le 7 mars avec Larva au garage de Liège. Oui, on va retrouver Marc hein, de Larva, avec qui on prend toujours beaucoup de plaisir de jouer, avec qui on prend beaucoup de plaisir à faire la fête, qui va sortir un nouvel album, ou qui vient de sortir un nouvel album, il me semble. Donc. Ouais, s'il tourne, c'est qu'il y a une actu, je pense bien, oui. Mais ouais, donc déjà, jouer avec lui, c'est un plaisir, mais découvrir son nouvel album, et puis de passer au merch, hein, ça fait toujours plaisir aussi. Ouais. Bah, merci les gars. Merci à toi, merci pour l'invitation. Dans les vidéos de Galaxy Radio, et vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir, merci pour à toi, troisième, merci du beaucoup. Coup, en plus, bravo, parce que tout comme Dom et Benoît, vous avez fait une grande, grande route. Tout le plaisir est pour nous, je t'assure. Alors, on va s'écouter donc la marche des machines et Firewall pour illustrer la sortie du prochain album, si ça vous va. Parfait, impeccable, très bon choix. Merci encore, les gars. Merci à toi, salut. Salut. De frangins de Del Eritas avec La Marche des Machines et Firewall. Ce sont deux extraits de leur prochain album qui va sortir je ne sais pas quand, mais dans tous les cas, ils vont revenir ici dans les studios pour nous en parler. Le troisième ? Non. Je vais te brancher, Benoît, tu vas pouvoir parler en direct. Donc, on quitte les deux furieux de Del Eritas et là, devant moi, j'en ai deux autres furieux. Ah oui, c'est nous. Je vais vous mettre un petit liner, tiens. Deux furieux. Alors devant moi, juste pile devant moi, Dominique l'Allemand, ouais. Qu'on va re-représenter ici dans les studios de Galaxy Radio. Et à ses côtés, Benoît Buise, qu'on connaît sous le nom de Dreadful, qui a rejoint la team Creek Bay il y a... Ouais, ça va faire 2 ans. Ouais. Mai 2023, ou juin 2023, j'ai oublié. Au juin. Mais Attends, j'ai un fantasme d'abord. Vas-y. Vous êtes bien sûr sans pleurs et sans reproches. Ah, voilà, il y a du boulot d'abord. Ouais, je sais, j'essaye, hein, je suis pas chanteur. Tu t'en approches. Allez, Dominique, ça fait vraiment plaisir de te voir ici dans les studios de Sans pleurs et sans reproches, Galaxy Radio. Ah bah moi aussi, retour sur mes terres. Tu m'as dit que t'étais déjà venu une fois il y a fort longtemps sur une autre radio. C'est vrai. Je ne sais pas si on t'avait consacré une partie de l'émission. Non, c'était un peu foutoir, ça. Ouais, c'est la Noël et puis c'était spécial Noël. Alors avant de faire Creek Bay, toi t'as démarré ta carrière au milieu des années 80, à moins que tu faisais déjà de la musique un petit peu avant. Oui, j'ai fait du piano. Ouais. Pendant quelques années, mais j'ai vraiment pris possession de mon synthétiseur en 87, janvier 87. C'était mon premier synthé. Et puis, mon premier groupe, ça a dû être à peu près en septembre, octobre, un truc comme ça. Ouais, ton premier groupe, en plus, ça a été un choc pour nous. À moins que ce ne soit pas le premier. Mais nous, c'est le premier qu'on connaisse. Oui. Ça s'appelait Creek Burrett. Ah, mais il y en a eu d'autres avant. Ouais. Un qui s'appelait Prognose, mais qui n'a pas fait grand-chose. Mais le premier officiel, oui, c'est ça, c'est Creek Burrett. Que tu as créé avec un... Ah non, je ne l'ai pas créé. Je l'ai pas créé. Raconte justement, développe un petit peu. Je faisais justement un groupe avec un copain qui habitait Valenciennes. Gaucher d'ailleurs, salut Eric, je sais pas s'il nous écoute. Et puis il m'a dit, bah, tiens, je connais des copains du côté d'Anzin, donc côté de Valenciennes, qui font un groupe d'électro-industriel, machin. Il dit, ah, je te verrai bien là-dedans. Et il nous a mis en contact, et puis en fait, moi je suis arrivé, ils étaient déjà 6 ou 7. Hein. C'était. Grégory, c'était. C'était une compagnie, c'est ça. Et donc en fait, je suis arrivé là-dedans, et bon, ils étaient beaucoup plus jeunes que moi, enfin beaucoup. À l'époque, ça faisait beaucoup, ils devaient avoir 15-16 ans, moi je devais avoir 3-4 de plus. Et il y avait JF. Hein. Jean-François Comble. Voilà, Jean-François. Léopold de Kessler, sur Facebook. Voilà. Il y avait Alcor. De Micropoint, okay, donc spécialiste de la hard techno française, et puis quelques autres gars qui ont arrêté la musique en fait au fur et à mesure. Donc moi je suis arrivé, j'ai fait mes petites mélos, ça leur a bien plu, puis on a continué. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, bah, y avait des membres qui partaient parce qu'en fait ils étaient un peu jeunes et puis ils devaient aller faire leurs études. Donc bah, ils ont le service militaire. Ah bah le service c'était après. Eux, ils étaient surtout dans leurs études d'abord. Mm-hmm. Donc, et au final, on s'est retrouvés en 93, plus être que deux, en fait, JF et moi. Mais en 87, vous avez sorti une cassette qui s'appelait 87-88, t'as bossé là-dessus? Qu'est-ce qu'il y avait comme morceau là-dessus? Je sais même plus. Il y avait Sensation, bah, qu'on est en train de s'écouter, je sais pas si t'as... Symbiose. C'est... Ouais, ça c'est Symbiose en ce moment, ouais. Ça c'est le pacte d'acier, pacte d'acier. Ouais, donc ça oui. T'étais déjà dans Creek Barrett ? Oui, je suis arrivé vers 88, fin d'année 88, il me semble. D'accord, donc Creek Barrett, la première cassette, c'est 87-88. Mmh. La deuxième, c'est ce qu'on écoute, hein, le pacte d'acier. Oui. Et il y a eu Machine on Kunst en 91. C'est là, ça. T'étais pleinement sur cet album. Ah oui, complètement. À partir du pacte d'acier, j'étais complètement dedans. Quoi. Mmh. Et... c'était quoi à l'époque? Comment vous faisiez? Vous, il n'y avait pas de vrai studio? Tu avais déjà un vrai studio? Non, c'était du bricolage, hein, même pour les instruments. On allait sur les chantiers pour récupérer des morceaux de métal pour que Alcor, donc Denis, puisse faire les percus, parce que c'est lui qui faisait les percus industriels. Non, on avait du matériel brin-brin. Hein. On avait une table de mixage pour mettre des platines CD, CD, même pas de disque. J'avais un synthé que je pouvais splitter en deux pour avoir deux sons différents. Je me souviens, j'avais même dû racheter le synthé des autres membres pour pouvoir faire Demolition Day à des morceaux pour le continuer, pour le finir. Donc voilà, un petit séquenceur, un micro, on avait mis des pédales d'effet derrière le micro, on mettait des pédales d'effet derrière les percus, enfin voilà, c'était une petite boîte à rythme, voilà, c'était vraiment du bricolage. Mais 91, vous signez 2-3 ans après sur un gros label, ça s'appelait Machinery. Ouais, on était surpris en fait. Il y avait Oomph, N1, Dancer Die, Snog. C'est ça. Premier Cube & Light. Ouais. Bah alors, ça c'est rigolo parce que en fait, quand on est arrivé à Berlin pour faire l'enregistrement de Forest, hein, puisque c'était ça l'objectif. Hein. Le gars du label qui s'appelait Yor, enfin qui s'appelle toujours Yor, je suppose, nous passe une cassette, il fait écoutez, j'ai reçu ça ce matin, c'est trop bien. Il nous fout la cassette à fond. Oh, on était sur le cul, JF et moi, on se regardait d'un air de dire mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi, c'est un truc de fou. Et c'était en fait la première cassette de Cube & Light. Et nous, on était sur le cul, quoi, c'est tellement. Même sur cassette, ça avait un son de fou. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Là encore d'ailleurs. Ouais. Bah puis on est arrivé là-bas vraiment par hasard, quoi. Enfin, par hasard. On avait fait nos cassettes, puis nos cassettes, elles sont parties un peu partout. Et un jour, un copain de JF qui était parti en soirée à Berlin dit tiens, j'ai entendu votre cassette dans une soirée. Oh ouais, bon bah c'est bien. Et quelques jours après, le label, Yor de Machinery appelait JF pour dire voilà, on est intéressé pour vous faire un single. Là, on est en 94, c'est la toute puissance des gros labels. C'est ça. Ça existait encore, les gros, gros labels. Bah, c'était un label indépendant quand même. Ouais, mais je veux dire, c'est pas le petit label du coin qui sort quelques CD ou une édition en particulier, tout ça. C'était quand même assez mainstream dans la distribution. Ouais, alors, c'était entre les deux, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même N1 qui était un gros groupe, en fait, qui marchait vraiment bien en Allemagne. Et donc, ce label avait la chance d'avoir quand même des gros moteurs. Hein. Ouais. Et bon, Machinery, en fait, avait son autre label, on va dire, en face, qui faisait aussi de l'électro, de l'EBM industriel, qui était Automog. Donc, c'était les deux gros labels de l'époque, en fait, qui faisait fonctionner la musique électronique en Allemagne. Et toi, ça t'a permis de connaître les vrais studios, studios pro ou semi-pro, tu peux dire ça ou... Alors, ouais, on va dire pour... alors, c'est pareil, c'était un peu particulier, parce que c'était un studio qui était dans un immeuble, qu'on n'aurait même pas imaginé qu'il y avait un studio là-dedans. Donc, c'était, on va dire, c'était semi-pro pour l'époque. Hein. Mais bon, nous, on était tellement à la ramasse, même le gars du label, il avait pitié pour nous, parce que... J'étais arrivé avec mon sampler, parce qu'à l'époque j'avais un sampler quand même, un roulant S330, mais j'avais même pas de séquenceur. Enfin, quand je suis reparti, il m'a dit tiens, prends ça, il m'a donné une disquette avec un Cubase, il m'a dit tiens, prends ça, hein, et travaille avec ça, ça ira mieux. Les deux petits français ici, voilà, dit, voilà c'est quoi. Ça. Mais toi, ça t'a permis de fonder un autre groupe après Cribbright, il y a eu Cobalt 60. Oui. Avec oui. Jean-Luc Demeyer. Oui. Oui, bah. Sacrée expérience aussi. Oui, oui, bah pareil. En fait, je suis parti sur Reims, puisque j'habitais ici. Et à Reims, bah, je suis allé dans un magasin de musique, de disques. Et c'est là que j'ai rencontré en fait, le vendeur qui s'appelait Frédéric Sébastien, et qui m'a permis de rencontrer en fait, Jean-Luc, en fait, d'avoir contacté avec Jean-Luc, puisqu'en fait, il aimait ce genre de musique. Et puis... j'avais fait une cassette pour Cribbright, mais ça devenait compliqué de travailler à distance entre Reims et puis ici. Et il m'a dit bah, écoute, donne-moi ta cassette, je vais l'envoyer à Jean-Luc Demeyer, qui est un de mes copains. Bon, d'accord, bon, pourquoi pas, mais bon, j'étais perplexe. Et quelques semaines après, la cassette est revenue avec le chant de Jean-Luc sur les morceaux. C'est, et donc, c'est comme ça que ça a démarré. C'est votre premier album, hein? C'est ça, premier album Elemental. En 96. Ouais, ouais. Elemental. Mmh. 12 après, 2 ans après. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Parce que vous étiez signé chez Edel Music. Ouais. Il y a un cran au-dessus quand même. Bah, carrément, puisque en fait c'était distribution Sony, donc c'était vraiment du costaud. Donc on a fait beaucoup de choses en très peu de temps, en fait, de 96 à 98. On a fait Elemental, on a fait 12, on a fait des singles, on a fait de la musique pour des jeux vidéo, on a fait vraiment beaucoup de choses. Puis au final, bon, bah, c'est dommage, hein, mais c'est tombé, ça s'est arrêté. Il y a une raison, tu penses, c'est le marché qui voulait ça ou c'est les gens qui étaient occupés à autre chose? Non, okay. Je ne m'exprimerai pas sur le D'accord. Sujet. Et toi qui connais bien du coup de Meyer, oui, tu penses de tout? On pensait qu'ils allaient never stopper, mais en fait ils s'arrêtent, les frontes de cadeaux. Ah bah oui, quel regard oui, t'as bah là-dessus? Bah pour nous tous, je pense qu'on est fans, donc c'est toute une époque qui disparaît pour nous, c'est clair, hein, on est triste de ça. Maintenant, après, de la façon dont ils ont arrêté, bah, je pense que c'est la meilleure des façons, parce qu'ils étaient à fond, et puis c'était plaisant. C'était alors, j'ai pas eu la chance de pouvoir avoir des places pour aller voir les derniers concerts. Le dernier que j'ai vu, c'était à Paris en décembre. Ah, voilà, c'était. J'avais rien à dire, quoi. C'était parfait. Quoi. Moi, ouais, c'est ça. Et voilà, on s'est retrouvés tous comme il y a 40 ans, parce qu'on les a connus il y a 40 ans, puis c'était quelque chose de fabuleux, quoi. Puis ils ont fini hors beauté. Okay. Et je trouve que ça, bah, c'est. Bravo, je ne sais même pas quoi dire parce que c'est vraiment... Bah, il n'y a rien à dire. Bah, si, merci, parce qu'en fait, ils nous ont fait quand même vibrer, ils nous ont fait vivre. On a eu des souvenirs sur leur musique. Et c'est ce qu'on demande en fait à des musiciens et à des groupes, c'est qu'ils nous laissent des traces dans nos mémoires. C'est, hein, voilà, c'est tout. C'est clair. Ils ont tout réussi à ce niveau-là. On va revenir un petit peu sur les déclinaisons de Cribbright, parce que tu as commencé Cribbright. Ouais. Officiellement, ça se termine quand, Cribbright? 94. Il y a un petit petit laps de temps hein, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, on va dire. Il y a eu Cobalt. Il y a eu Cobalt après 18. Et là, tu parlais de notre très regretté Fred Sébastien. Tu montes avec lui Cabrite. C'est ça. La déclinaison de Creek Bright. C'est ça, en 2002. Et là, ça marche bien aussi pour vous, hein, parce que vous tournez pas mal. Sortez deux albums. Bah, disons que ça a bien marché. Au début, non, ça marchait, on va dire ça. Voilà. Et puis après, quand on a réussi à trouver une personne qui a pu faire notre promotion et nous manager, ça a tout de suite été mieux. Vous sortez deux albums, Distort Neural Unit en 2009 sur Sigzali Transmission. C'est ça. Nous aussi, on a sorti un album hein, sur ce label, Et trois ans plus tard, vous sortez Positive Sound Negative Beat. C'est ça. Sur Electro Commando Product. C'est ça. Bah, en fait, Sigzali avait été... repris par EKP. Hein. Donc, deux non, albums. On y parle plus. Deux albums. Et après, vous sortez avec ta compagne, Audrey. Ouais. Un troisième album de Cabaret, c'est Dark Danceable et Glamour Trial. C'est ça. Donc, on a sorti cet album-là. C'est même pas un album, d'ailleurs. C'est un CDR, ouais. C'est un CD. Ouais. Non, même pas un vinyle. C'est un vinyle. Je l'ai en CDR. Ah, tu en sais rien ? Non, c'était un vinyle. On a sorti qu'un vinyle, en fait. Bon, oui, c'était dans la continuité de Cabrite. Et puis, voilà, quoi. Bon, on a continué Cabrite, puisque Fred était parti. Ouais. On a pu, parce qu'on avait des engagements derrière. Et là, on note un petit break encore. Là, c'est tu sors après. Donc, 2022-2023, tu fais la rencontre de Benoît. Comment vous êtes rencontrés, tous les deux ? Alors, bon, on se connaît depuis longtemps. Hein. Ouais. Dis-moi. Ah, on l'entend pas. On l'entend pas. Bah, si, écoute, tu es branché. Si, tu es branché. Ouais. Oh, bah, qui c'est que là ? Lève-la, le Greg. Donc, vous faites. Comment vous rencontrez tous les deux ? Oula. Oh, bah, on s'est croisés quelques fois via des concerts. Hein, Ethan Fox organisait régulièrement Cabaret avec Anamorphosis à l'époque. Ouais. Et j'ai organisé Cabaret à la Zone à Liège, et puis on a bien sympathisé parce que Dom il est complètement taré et ça me plaisait beaucoup. Je sais pas quel est le plus taré des deux. Je sais pas. Vous êtes différents, mais il y a du level quand même. Et puis, à un moment donné, on s'est dit tiens, on ferait bien un truc ensemble. Qui a foiré complètement parce que j'ai fait de la merde. Non, c'était pas le moment, c'est tout. C'était pas le moment, on va dire ça. Allez. Mais non. Et puis, quelques années plus tard, on s'est recroisés. Et puis, je lui ai dit, je n'aime pas rester sur un échec. Donc, je vais retenter le coup avec Dom. Et je lui en ai reparlé. Et puis, il m'a dit, ouais, vas-y, on voit. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on a fait quelques morceaux. Puis, on s'est rendu compte que c'était pas si mal. Et puis, on a continué jusqu'à faire un album, quoi. L'album est très bon. Comme je disais, vous avez vu à Bruxelles en octobre. Okay. Je pense que Dom a retrouvé une bonne formule. Et toi, t'es toujours aussi lion en cage sur scène. Et franchement, ça marche très très bien. Oui, ça m'amuse beaucoup. La drogue, ça marche toujours. Hein. La drogue houblonnée, oui, sûrement. Pas besoin de drogue. Pas besoin de ça. C'est ça qui fait peur. Faut dire que faut pas prendre au premier degré tout ce qu'on dit. Hein. Attention, ouais. On prévient quand même qu'on aime bien raconter des bêtises. Vous avez commencé l'album en 2022 ou... Parce que vous faites non, des 2023. Concerts. Non, ouais, 2023. Vous faites des concerts aussi après. Vous avez joué à Cannes. Oui, ça c'était début 2024. Non, en fait, c'est ça qui est fantastique, c'est que Laurent nous a booké à Cannes sans vraiment. Il n'y avait pas d'album, donc il y avait 2-3 morceaux qu'il avait entendus, ça lui a plu, et il nous a dit ok, on va là-bas. Donc, vous venez, je vous propose de venir jouer à Cannes en janvier. Donc voilà, donc c'était notre premier concert, on ne savait pas trop où on allait, on n'avait pas de sortie d'album ni rien du tout. Et voilà. Ça s'est bien passé, on a quand même tous les deux des expériences différentes et quand même beaucoup d'expériences chacun. Et voilà, il veut dire qu'on est des vieux, c'est ça. Mais ça marche aussi. Quelque chose de très, très correct. Et vous avez déjà joué les morceaux de War Drums Resonance à Cannes ou pas du tout ? Oui, vous avez fait l'ancienne partition des Cabaret ? Non, Creek B. Oui, c'était que du Creek B, je sais même pas. Bon, peut-être que les morceaux... Bon, les morceaux étaient un peu différents parce que tu les as retravaillés après, c'était que tous les morceaux de Creek Bay. Ouais. On a peut-être fait moins parce qu'on devait jouer moins longtemps, donc il y a peut-être des morceaux qu'on n'avait pas fait comme Barney Mur ou M4, mais c'était... Et la formule, c'est quoi? C'est toi, Dom, qui bosse et Benoît, tu chantes dessus? C'est ça, oui. C'est toi qui fais que les morceaux, Dom? En fait, on se complète. C'est-à-dire que moi, je vais faire un morceau, je vais proposer, il va écouter, il va chanter dessus, puis après, il va me dire, tiens, peut-être que là, on lève ci ou on lève ça. On bricole notre truc, et puis, moi, j'hésite pas, je le coupe aussi, je coupe. Oui, voilà. Moi, je n'hésite pas à retravailler la structure du morceau pour placer mon texte. Hop, je rebalance le bazar. Et puis lui, voilà, il retravaille le truc. Il coupe des morceaux, il enlève des couplets, des choses que j'ai passé des nuits et des nuits à écrire. Il fait exprès, je suis sûr. Je suis persuadé qu'il me hait, en fait. Et donc voilà, un peu à la fois, on bricole chacun. Mais il n'y a aucune vexation, aucune machin. Voilà, c'est tu veux enlever un truc, vas-y, enlève-le, il n'y a aucun souci, quoi, vraiment. On a vraiment trouvé une bonne formule, on ne se prend pas la tête. Ce qui compte, c'est le résultat final. C'est clair, le résultat est très bon. Je veux dire quand même que sur le morceau que tu as fait, je trouve que c'est quand même assez pourri. Et excuse-moi, je voulais te le dire. Je vais faire une coupe au micro, les gars. Et on va parler de votre album, War Drums Resonance. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ah bah, bravo, alors maintenant, tout de suite, monsieur se barre. C'est, ils vont se piter en direct, tu vas voir. Bah, on trouvait que ça, c'était un peu l'ambiance actuelle. Ouais, carrément. Donc voilà, j'ai dit ma phrase, vas-y, dis la tienne. J'ai rien à dire, moi. Non, bah, ça résonne comme ce qui se passe. Donc, étant dans la musique, on va dire, on a essayé d'adapter cette angoisse de guerre, de machin, là, tout ce qui est un peu autour, là, qu'on ne sait pas trop où on va, dans le titre de l'album, en fait. Et puis... un jour que Benoît était aux toilettes, il dit « Tiens, on va dans le comédien ça. » Quoi? Et vous l'avez sorti, hop, novembre? C'est ça. Novembre. Oui. Bon, on l'a repoussé un peu parce que ça devait être plus tôt. Et puis au final... oui, il y a eu quelques problèmes d'impression. Oui, il y a eu des problèmes de technique. Enfin, ouais. Bon, voilà. Mais au final, voilà. Et vous sortez sur Emobiz. Oui. Emobiz, ouais. Donc il y a un label allemand. Qui a déjà sorti pas mal de choses. Bah, notre vinyle Cabaret était sorti d'ailleurs là-bas. Et je crois qu'il avait repris d'ailleurs le label de. Sur lequel il y avait Modern Cubisme. Je ne saurais pas te dire. Stéphane ouais. Vercard, je crois que c'était lui qui avait ce label. Et il me semble que Jörg a repris pas mal de groupes de là quand Stéphane a arrêté. Comment on peut qualifier la musique de Crick B? Est-ce qu'on peut parler de même old school? Ah, c'est sans vouloir dénigrer du tout l'EBM que j'aime beaucoup. Hein, je pense que c'est plus riche que de l'EBM. Il y a quand même, c'est beaucoup plus mélodieux. Il y a des violons, des choses comme ça. L'EBM, c'est quand même très. C'est deux doigts, hein, c'est pas plus. Hein, ouais, comme voilà, ça sur un clavier. Si Dom fait quand même des mélodies qui sont très chouettes. Je pense honnêtement que ce qu'on fait est plus riche que le BM, sans vouloir du tout dénigrer le BM. Hein. Ouais, mais je pense, à mon sens, hein, d'accord. À mon sens, Crick B, c'est vraiment de le BM. C'est okay. Pas du old school machin. C'est vraiment de BM. C'est fait pour danser. En plus, tu as une méthode d'écriture un peu particulière, c'est que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Déjà dans Cabaret, c'était comme ça, ça rendait ouais. Fou un petit peu tout le monde. Et là, tu as gardé cette recette et je la trouve très très bonne. Alors. Moi, j'étais un peu comme Benoît, à me dire que je ne considérais pas trop ça comme de l'EBM, parce qu'après, pour moi, les dieux de l'EBM, de toute façon, c'est Front, hein, voilà, ça c'est dit. Après, tu as des sous-groupes, on va dire, des trucs un peu plus basiques. Et du coup, je ne sentais pas Crick B comme étant de l'EBM. Puis, j'ai eu des discussions avec pas mal de musiciens, dont des musiciens assez connus, et qui m'ont dit, bah, si ce que vous faites, c'est de l'EBM. Des Belges, en l'occurrence. On calcule pas, quoi. On fait non, ce, voilà. Ce qu'on a envie de faire, et ce qui sort doit sortir, enfin, ce qui doit sortir sort plutôt. Et, je comprends, mais je pense que naturellement, vous dirigez vers cette musique qu'on appelle l'EBM, parce que c'est votre nature. Sans doute, oui, certainement. C'est... Peut-être. Mais voilà. Peut-être, mais on sait pas dire. En tout cas, c'est vrai. Se mettre dans une case. On sait non, pas. C'est pas la question. Mais il faut quand même un petit registre, tu sais, pour, oui, voilà. Pour un petit peu. On marche pas dans. On aveugle comme ça, voilà. Voilà. Moi, à mon sens, vous faites de l'EBM. C'est-à-dire que si on prend tous les éléments, en fait, on a un peu de tout, en fait. On peut avoir des séquences qui font EBM. revoir des sons métalliques qui font industriel. On peut avoir des sons dark électro. Donc en fait, on a un peu un mix. C'est pour ça que quand on nous a demandé ce qu'on faisait, naturellement, on a dit on fait un peu ce qu'on a entendu ces 40 dernières années, quoi, ce qu'on a aimé aussi. Et on a un petit melting pot, tout ça, et puis on a bien un gros chaudron. Hop. Tout notre bagage musical de 40 ans qui ressort. Quoi. Et toi, Benoît, du coup, tu mets Dreadful entre parenthèses ou tu continues Oui, je continue. Absolument, j'ai composé des morceaux là. Je suis sur un autre projet dont je ne vais pas encore parler, mais, mais ça va venir. Tu regardes quelqu'un d'un. Donc, ici samedi, donc à l'EBMD, j'ai discuté avec un pote et il me dit mais tu t'ennuies tant que ça que tu as autant de projets? Désolé. Je pense pas que tu t'ennuies, c'est que tu as besoin de faire quelque chose. Oui, voilà. Effectivement, quand je m'ennuie, hop, je vais dans mon studio et je fais du bruit, quoi, voilà. Oui, non, c'est un besoin viscéral de faire tout ça. Oui. Alors, je vais faire comme avec Deleritas. Moi, je vous ai vu sur scène, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était super chouette. C'était un très bon concert, bien. La musique était bien punchy. Toi, t'es arrivé, j'ai pas d'autre image. T'es un lion en cage, en fait, qu'on vient de sortir comme ça. Puis, il faut que t'ailles sur la piste. À chanter tous tes morceaux de Creek Bay. Oui, absolument. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Comme Dom disait, il y a beaucoup de second degré. Hein. On parle. Il y a beaucoup de dénonciations de toute cette violence de notre époque. Mais alors, on est aussi dans des références de guerre, évidemment, mais de science-fiction, de films de fantastique, des choses comme ça, quoi. On n'a absolument pas aucun message politique, aucune revendication. Voilà, c'est des choses. Comment dire T'as quelque chose à dire, toi? Nous sommes un peu comme un commando, en fait. T'arrives et tu repars. Voilà. Mais ne serait-ce que la pochette, c'est quand même, on dirait, on se croirait Terminator, mais genre en 2242. Ah oui, rien qu'à avoir la pochette, on se dit, il y a beaucoup de choses qui s'est passé quand même. Oui, c'est vrai. Elle est d'une sombritude incroyable. C'est un peu l'idée, en fait. Hein. C'est vrai que nous, sur 40 ans, en fait, on a vu beaucoup de choses arriver et beaucoup de choses. On n'est pas dans la merde, quoi, parce qu'on voit direct que l'avenir n'est pas rose du tout. Mmh. Et je pense que les thèmes collent à l'époque. Et pour revenir à la pochette, oui, j'adore la représentation du crâne, donc j'ai fait un crâne. Voilà. C'est toi qui l'as faite? Oui, c'est moi. Ouais. Oui, je suis infographiste, alors ça aide. Ah oui, ça aide, oui, effectivement. Il aurait pu être un vrai graphiste, mais finalement, il a préféré être un faux graphiste. Bon, elle est pas mal. Oui, c'est facile. Écoute, je vous propose de passer Napalm Girl, votre dernier album. Il y a David qui est extrêmement content parce qu'il adore ce morceau. On le trouve où, cet album? Je suppose que vous en avez maintenant pour les concerts. Non, quelques-uns. Après, soit sur le label directement, ou alors chez Poponote, par exemple. Ouais. Si, tout ça fera remonter Laurent. Ouais. Voilà. Faut les faire bosser un peu. Oui. Sinon, en concert, on en a à vendre. Voilà. Et sinon, et après, il y a le Bandcamp aussi. Vous pouvez l'écouter en streaming. On est un peu. Streaming, ah oui. Mm-hmm. Sur toutes les plateformes. Ces plateformes qui volent les artistes. Ça c'est vrai, c'est du racket. Oui. Après, on est représenté partout. Voilà. Justement, j'ai une question pour toi, Dom. Toi qui es un ancien, on peut dire ça. C'est quoi le marché? Le marché? Qu'est-ce que représente pour toi le marché musical actuel? Toi qui as connu les sorties à 5, 10, 20 000? Ouais, 20 000. Ouais. Copies, pas francs. 20 000 copies, ouais. C'est dur quand même. Oui, c'est très dur. Il y a plus de. En fait, le déclin, il a commencé déjà il y a une paire d'années. C'est pas de maintenant. À partir du moment où il a commencé à avoir les Napster, les MP3, les copies de CD, déjà, tout ça, ça faisait déjà dégringoler les ventes et puis les rémunérations d'artistes. Maintenant, on en est encore pire. Quoi. Du streaming, un stream, c'est 0,0000. Ouais, très, très. C'est un truc de fou. C'est rien du tout. On en vient un peu d'esclavagisme, quand même, parce que tu es obligé d'y passer pour que ce soit écouté. Ouais. C'est une plateforme obligatoire, je pense, maintenant. Ah bah, de toute façon, oui, parce que on va être représenté partout. Donc, quelque part, on est pas rémunéré, mais on est visible. Mm-hmm. Donc, on en est là, quoi. Donc, je pense que quelqu'un qui veut être musicien maintenant et en vivre, c'est super compliqué. Ça va être très, très dur. Voilà. Et après, là, je vois souvent les gens qui se plaignent des prix des places de concert et tout ça. Je comprends, hein. Mais d'un autre côté aussi, les artistes, ils vendent plus rien. Donc, leur seule façon, c'est de pouvoir. Et puis, bah, y a des gens qui ont fait, comme Live Nation, qui ont pris le monopole. Et puis, ils gèrent ça comme ça. Donc, c'est pas simple. Ceux qui se plaignent des prix des places de concert, hein, je suis allé vous voir pour 15 balles, je crois, quand Fred a organisé sa Fantastic Night, 15 ouais. euros pour 5 artistes. C'est... Bah oui, c'est pas déconnant. Quoi. C'est pas déconnant. Bah non, non. Ouais. Et puis si on repart 30, 40 ans en arrière, c'était déjà ces prix-là ouais. pour un groupe ou deux. Personne ne s'est choqué. Et en plus, ça faisait 200, 300, 400 personnes. Quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que maintenant. Même à 5 euros, mais après, je pense aussi, c'est bête à dire, mais plus on va descendre le prix, et moins ça va intéresser les gens, peut-être. Il y a un côté où se dire, bah, bon, bah, t'es un peu maso. Ouais, c'est ça. Si c'est 5 euros, bah, c'est que c'est pas bien. Quoi. Mmh. Et ce qui n'est pas forcément vrai, mais bon, ça peut avoir un impact comme ça sur les gens. En tout cas, ce qui est très bien, c'est votre album War Drums Resonance. War Drums, ouais, Resonance, ouais, c'est ça, parce qu'il y a le petit apostrophe. Enfin, ouais, S'apostrophe plutôt. Si vous voulez découvrir la bonne EBM, je reste là-dessus, les gars, je suis désolé. Non, la bonne EBM qui bouge dans tous les sens et qui dans laquelle on ne s'ennuie jamais. C'est ça que j'adore dans ta musique, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Ah bah c'est gentil, merci. Non mais c'est vrai, c'est pas le même old school, c'est télé, et puis c'est une loupe, voilà. Et toi, il y a plein de trucs différents et ça c'est vraiment la classe. Donc, faut écouter War Drums Resonance. Un petit mot de la fin. Sur le morceau Napalm Gun, peut-être. Girl, je pense que tout le monde a déjà vu cette photo d'un village vietnamien qui s'est fait bombarder au napalm et cette petite fille qui court vers les photographes dénudés parce que ses vêtements ont cramé. Et, voilà, c'est l'histoire de cette petite fille à cet instant-là. Qui a inspiré nombre d'artistes depuis qu'elle est sortie cette photo. Elle est incroyable. Ben, merci encore les gars. Merci à toi de nous avoir accueillis. Hein. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Bah écoute, on va revenir là, dans 5 minutes. Allez, c'est parti, on va se désaltérer, après vous revenez. Ça marche. Merci les Click B, merci. Au revoir. Voilà, juste à l'instant, c'était Crick B avec le morceau Napalm Girl. Très très bon morceau du non moins très très bon album War Drum Resonance, qui est sorti en novembre dernier. On voulait vous présenter avant, mais je voulais qu'il passe absolument dans les studios. C'était décalé une première fois. Mais ce soir, ils sont là pour le BMD dans les studios de Galaxy Radio, dans notre émission Sans pleurer, sans reproche. Et c'est un vrai plaisir de présenter cet album War Drum Resonance. D'ailleurs, il y a une édition limitée qui est sortie. Hein. Je ne sais pas s'il reste des copies. Mais intéressez-vous sur notamment le bandcamp du groupe de Crick B. Je vais parler de quelques dates de concert, ce sera un bref agenda. Je vais commencer avec une date qui va se passer la semaine prochaine, c'est une organisation Just Like Event. Il y aura les groupes Je t'aime et De Nuit à la Bulle Café. Deux très bons groupes français. Le 23 mars, il y aura Vinvination au Black Lab. Il reste encore des places. Et sachez que normalement, Greg et moi serons de la partie. Serons de l'after party, normalement. Le 19 avril, il y a Original Band, Voodvox, XMS et DJ Angst à la Brad Cave. Donc de Lille, hein, ce sont des groupes ch'tis qui vont jouer ensemble. Le prix d'entrée sera de 10 euros. Et en parlant de Voodvox, j'y sais, vous voulez qu'on parle de cette date. C'est le 1er mars, c'est samedi prochain. Il y aura un concert hein, donc, au Bunker avec alors je dis pas trop le nom des groupes, c'est Leroy Cruciatum, Voodvox. Et ça se passera aux Pays-Bas. Allez voir sur la page de Voodvox, hein, V-U-D-U-V-O-X pour avoir plus d'informations. Mais j'ai oublié de mentionner une date qui est vraiment très très importante pour nous. C'est Chour et Sierra. Ils joueront ensemble le 5 mars au Black Lab. C'est une organisation à gauche de la Lune. Très très bonne et très grosse entreprise d'organisation de concerts. Donc ils organisent Sierra et Chour au Black Lab le 5 mars. Ça commencera à 20h30, le prix d'entrée de 24 euros. Je parle du prix d'entrée, mais le premier ou la première qui appelle au 03 20 83 57 57 gagnera une place pour ce concert. Là, vous pouvez appeler juste après les commentaires. On passera d'ailleurs un morceau de chaque groupe. On commencera avec Chour et un morceau qui est sorti de leur album qui est paru il y a quelques années, quand même en 2020, si je ne me trompe pas, qui s'appelle 20 Years. Et on continuera avec Sierra, un morceau de son premier album, ça s'appelle Unpredictable. C'est parti, Chour, vous allez voir, c'est une sorte de cold wave, mais assez électro quand même. Et avec la puissance EBM de Sierra. Allez, c'est parti, Chour, Sierra. Et voilà, j'ai retrouvé mes petites fiches. En tout premier, c'était Shure avec le morceau Tasting Revenge de l'album 20 Years. Ça paraît chez Where the Sun Records. Je pense que ce groupe parisien a un nouvel album dans les tuyaux. Et je pense qu'ils vont vous présenter le 5 mars donc au Black Lab de Wascal. Puisqu'ils font la première partie de Sierra qu'on a écouté juste après. Quelle puissance sonore incroyable pour cette petite française, j'ai envie de dire. Mais franchement, elle dépote un maximum sur scène. C'est toujours un plaisir de la voir. On vient d'écouter Unpredictable de l'album Left Behind. Et j'espère qu'on l'aura sur scène donc le 5 mars au Black Lab, une organisation à gauche de la Lune. Eh ben dis donc. Eh, salut toi. Eh, on parle américain ou... Bah, j'ai chopé un petit accent, mais plus... Plus belge, là, je vois. Plus belge, que t'as dans la main. Non, mais j'ai même pas un jet lag, que dalle. Ah bah écoute, je suis très content de te voir. Bah écoute, ça me fait plaisir aussi de te voir. Allez. Ouais, écoute, je voulais te piquer un temps d'antenne pour parler de l'émission de ce soir, Culture Wave. Évidemment, tu connais la date d'aujourd'hui. Ouais. Comment je pouvais pas rendre hommage bah pour oui, ton occasion. Ça tombe très bien, bah oui. Ouais, donc une émission que j'ai préparée pour ce mois de janvier, juste avant les dates finales à Bruxelles. Donc ça, ce soir, rediffusion de cette émission avec une interview qui a été réalisée au mois d'août avec Richard Jonquière et Patrick Codenis, suivi d'un extrait du concert au Black Lab, totalement inédit, et qu'on vous offre, voilà, sur l'antenne de Galaxy Radio, 23h minuit, spécial Front de K2, rediffusion, et pour la semaine prochaine, Walter, danse sans pleurer, sans reproche, je vais recevoir aussi des invités. Alors, il y aura le groupe Je T'aime, et également De Nuit, hein, qui seront également en concert, dans une semaine, à Lille, mars, organisé par Teresa de Just Like Event. Donc voilà, les deux groupes seront présents dans les studios avec une petite option, hein, c'est un détail technique, et il y aura certainement également des showcase live pour les deux groupes durant l'émission. Grosse émission, là. Ouais, ça va être sympa. Ouais, franchement, ouais. Et puis il y a plein d'autres trucs qui vont arriver aussi. Je sais pas si tu avais parlé de Venvination. Ouais, brièvement, le 23 mars, ouais. Voilà, donc. Évoquer le fait qu'on soit peut-être de l'after party. Non, c'est sûr. Voilà, 242% pour ça. Pour moi, c'est confirmé, allez. Je te le confirme. Donc voilà, on fera l'after de VNV ou la Before, je ne sais pas comment ça va se dérouler. En tout cas, on va reprendre du service à cette occasion. C'est plutôt bien. Ouais. Puis également une autre date, vite fait après. En parlant de la semaine prochaine, tu auras aussi l'occasion de faire gagner une place pour Sierra. Ouais. La gauche de la Lune nous propose plusieurs places à faire gagner. Donc voilà. Ouais, super. Voilà, très très bonne nouvelle. Et puis bien joué, Walter. Voilà. Moi aussi, j'aurai plein de places à proposer, notamment pour le concert de Sextile qui aura lieu le mardi 3 juin. Ah ouais. Voilà. Ça va faire du bien de les revoir. Ouais. Tu les as pas vus là-bas? Malheureusement non, parce qu'ils étaient en première partie de Molchat Doma et ils étaient sur la côte est des États-Unis. Et c'était le dernier week-end. Voilà, ils ont fait les deux dernières dates avec Molchat Doma et j'ai pu voir qu'ils faisaient un putain de gros succès. Ils viennent de sortir un nouveau single et ils sont à fond. Et j'ai eu un petit message du manager d'ailleurs qui m'a fait très plaisir. Voilà. Bon, tu reviens avec plein de souvenirs dans la tête là. Ouais. Aux États-Unis. Oui, ben oui, forcément, c'est un voir autre chose. Des fois, ça remet les idées en place. Oui, c'est vrai. Ça libère, c'est un super voyage. C'est clair. Et c'était très bien. Voilà, les États-Unis, c'est immense. Je sais pas si tu. Bah, toi, t'as été aussi. Ouais. Moi, j'ai visité que Los Angeles, mais Los Angeles, c'est immense. Ouais, je pense sans que voiture, ouais. Tu peux rien faire. Et on a été partout, hein, à Hollywood. Voilà, on a tout fait. Je pense que tu as vécu à l'américaine, ce qui est bien aussi. Et conduit à l'américaine, ouais. Ce qui est vraiment, vraiment sympa. Une autre façon de voir le code de la route. Par contre, les bières. Mais je vois que tu te rattrapes la soirée. J'ai découvert un Modelo, et franchement, ça, c'est vraiment une bonne bière mexicaine. Voilà, c'est ce que je peux dire. En tout cas, je suis content d'être là ce soir, Walter. Bah, je suis content que tu sois là. Cool. Bah, écoute, en direct la semaine prochaine alors. Ouais. Allez, on retrouve la programmation avec Hardware Pulse. Et vous le connaissez puisque c'est un des nombreux projets de Toxic Revisor. C'est le boss du label grec, Verkstat Recordings, qui s'est allié avec ses compatriotes de Marva Von Teo pour ce morceau After Midnight. Un morceau orienté dance floor quand même, et charts, comprenant la belle voix de la non moins belle chanteuse. On continuera avec un groupe qui s'appelle Dracula Party, le morceau Trick or Treat 2 de la compilation rétrospective de l'année 2024 du label Remission Entertainment. C'est une compilation gratuite censée être un best-of avec notamment au programme Ciné, Ex-Siena, Snowbeats, Maduro, Black Agent, Dracula Party que je diffuse ce soir. On continuera avec un projet qu'on ne passe pas vraiment souvent dans l'émission alors que c'est un groupe français. Il est composé de Jérôme Tchernéan et de la Tchèque Barkoniza Anusova. Leur création remonte à 2016 et cette année, ils ont sorti Suicide Disco 2 Remixes avec une liste de remixeurs très alléchante. Il y a The Hacker, Face Fatal, Velvet May, Codex Empire, Supreme Law, Geist Form, Chris Barra qui boostent une nouvelle fois ce terrible morceau Wrong. On s'écoute donc ce soir et c'est sorti sur le label italien Veil. C'est parti, Hardware Pulse, Dracula Party, Years of Denial. C'était en tout premier Edward Pulse avec After Midnight, c'est un featuring avec les Grecs de Marva Von Teo du EP Dance Nation et ça sort chez Verstappen Recordings juste après Dracula Party Trick or Treat 2 de la compilation 2024 label Compilation Remission Entertainment. On a terminé avec Years of Denial, le morceau Wrong remixé par Chris Barr de l'album Suicide Disco 2 Remixes. C'est un très bon morceau. Et on termine cette émission. C'est le 24 février, c'est le BMD. C'est le 24-2-242. Alors je vais passer de l'EBM Old School à deux doigts avec Panzer Fabric, le morceau Geld Macht Art, l'album Gutmensch. C'est son dernier album. On continuera avec Tension Control, Stex Die Ziegel, remixé par Minus Art. C'est le single qui s'appelle comme ça, Stex Die Ziegel, et ça sort chez Commandant Records. Puis après, on terminera cette émission avec les rois aussi. Il y a les empereurs Front de K2, il y a les rois Nitzereb. Et on terminera avec Joy in the Shunt, la gold version tirée du 40 ceinture qui s'appelle donc Joy in the Shunt. Merci de nous rester fidèles ici à Sample Rest en proche et Galaxy Radio. Restez bien branchés puisqu'ensuite il y a les Furieux de Sound Formative. Ils ont un invité, en plus ils sont en direct en vivant dans les studios de Galaxy Radio. Et juste après donc le Culture Wave spécial Front de K2. Bonne fête à vous, c'est pas fini, hein. Il y a encore de l'EBM à se mettre dans les oreilles. À très bientôt, la semaine prochaine, en direct, il y aura Je t'aime et De nuit en interview dans les studios de Galax. À très bientôt, ciao. Macht hart. Hewitt. Dino, yeah, Hewitt. The Hewitt. Joy is a chance! Joy is a chance! live sur Galaxy FM 95.3 ou en podcast sur Mixcloud.com. Sans pleurs et sans reproches. With Galaxy, music remains on top.